Les deux vieillards se réveillèrent de bon matin, les étrangers se levèrent également avec le soleil et firent leurs préparatifs de départ. Philémon poussa l'hospitalité jusqu'à les inviter à prolonger leur séjour. Baucis pourrait, disait-il, traire de nouveau la vache, mettre au four un gâteau et leur trouver des œufs frais pour déjeuner. Mais ils n'acceptèrent point, alléguant qu'ils voulaient faire une bonne partie de leur route avant la grande chaleur. Ils se décidèrent donc à partir sur le champ et demandèrent à Philémon et à Baucis de les accompagner à une petite distance afin de leur indiquer leur chemin. Ils quittèrent tous quatre la chaumière, en babillant comme de vieux amis. Il était vraiment singulier de voir combien ces deux vieux époux s'étaient insensiblement familiarisés avec l'aîné des voyageurs et comme leurs âmes simples et généreuses s'étaient fondues dans la sienne. C'était, sans comparaison, deux gouttes d'eau absorbées par l'abîme infini de l'océan. Quant à Vif-Argent, son esprit narquois, son regard fin, pénétrait au fond de leurs pensées avant même qu'ils l'eussent conçu. Il se prenait souvent à désirer qu'il eût moins d'astuce et aurait souhaité qu'il se débarrassât de ce bâton à serpent qui avait l'air si mystérieux. Et pourtant, il s'était montré de si belle humeur qu'ils auraient été enchantés de le garder auprès d'eux, même avec son bâton, y compris les serpents. « Hélas !» s'écria Philémon, quand ils furent assez loin de la chaumière, « si seulement nos voisins savaient quel bonheur on éprouve à exercer l'hospitalité, ils empêcheraient leurs chiens d'aboyer contre les malheureux, et leurs enfants de les poursuivre à coups de pierre. C'est un péché et une honte de se conduire ainsi !» continua Baucis avec force. Je veux aller les visiter aujourd'hui même et représenter à quelques-uns d'entre eux combien ils sont méchants. Je crains bien, reprit Vif-Argent d'un air sournois, que vous ne trouviez personne au logis. À ce moment, le front du principal personnage prit un air sévère, sans perdre sa sérénité habituelle. Philémon et Baucis le remarquèrent et n'osèrent plus prononcer un seul mot. Ils levèrent les yeux vers cette face empreinte de majesté avec autant de vénération que si c'eût été un dieu. Quand les hommes n'ont pas envers le plus humble de leurs semblables la même affection que s'il était leur frère, dit-il d'une voix qui résonna comme un orgue harmonieux, ils sont indignes d'exister sur la terre qui a été créée pour servir de demeure commune à toute la race humaine. À propos, chers amis, s'écria Vif-Argent, du ton le plus railleur et de l'air le plus espiègle. Mais où est donc ce village dont vous parliez tout à l'heure? Je n'en vois pas la moindre apparence. Philémon et Baucis tournèrent le regard du côté de la vallée où, la veille, au soleil couchant, ils avaient vu les prairies, les maisons, les jardins, les bosquets, la rue large et garnie d'arbres qu'animaient les jeux des enfants. En un mot, tous les dons de la nature, tous les résultats du travail et de la prospérité. Quel fut leur étonnement! Plus de villages, plus de prairies, tout avait disparu. À leur place, un lac tranquille et bleu remplissait le vallon qui leur servait de bassin. Les collines y reflétaient leur image avec le même calme que s'il en eût été ainsi depuis la création du monde. Le lac était poli comme une glace, puis il s'éleva une brise légère qui vint y imprimer quelques rides, faire scintiller les rayons du soleil dans ses vagues émues et pousser l'eau contre les rives avec un doux murmure. Cette vue produisit sur les deux vieillards un effet singulier. Il leur sembla d'abord que ce lac avait toujours été là et que tout autre souvenir n'était qu'un songe. Mais un moment après, ils se rappelèrent les maisons, les figures et le caractère des habitants et ne crurent plus rêver. C'était malheureusement trop certain. Le village qui était là hier encore avait disparu, pour toujours. « Hélas ! » s'écrièrent-ils tous deux, le cœur navré de compassion. « Que sont devenus nos pauvres voisins ?»« Ils n'existent plus sous la forme qu'ils avaient autrefois, » dit le mystérieux voyageur de sa voix grave et sonore. Un roulement de tonnerre répondit à ces mots comme un écho lointain. La vie chez eux n'avait plus ni utilité ni beauté, car il ne leur arriva jamais d'adoucir ni de consoler les peines de leurs semblables. Ils n'avaient conservé au fond de leur cœur aucun sentiment humain. C'est pourquoi le lac, autrefois maître de cette place, à recouvrer son ancien domaine pour réfléchir la vue du ciel. « Et quant aux fous qui habitaient là-bas, ajouta Vif-Argent, en riant sous cap, ils sont tous changés en poissons. La transformation a dû s'exécuter on ne peut plus facilement sur une race de misérables dont le cœur était recouvert d'écailles et dont le sang était glacé dans les veines. Ainsi, bonne mère Baucis, toutes les fois que vous et votre mari vous aurez envie de manger une truite, il jettera sa ligne et pêchera à son aise une demi-douzaine de vos anciens voisins. « Ah ! S'écria Baucis en frissonnant, je ne voudrais pas pour tout l'or du monde en mettre une seule sur le grill. »« Assurément, répéta Philémon sur les traits de qui se peignit une vive répulsion, nous ne pourrions jamais en manger. » « Quant à vous, mon bon Philémon, poursuivit le vénérable personnage, et vous, excellente Baucis, vous avez si cordialement, avec des ressources si bornées, exercé l'hospitalité envers les passants privés d'asile, que votre lait est devenu une source intarissable de nectar, que votre pain et votre miel se sont changés en ambroisie. Des divinités sont venues s'asseoir à votre table et se sont rassasiées des mêmes mets servis à leur festin sur le mont Olympe. Vous avez bien agi, mes bons et vieux amis. Je veux vous récompenser et vous accorder tout ce que votre cœur peut désirer. » Philémon et Baucis se consultèrent du regard. Puis, je ne sais lequel prit la parole, mais l'un d'eux exprima le vœu de leur amour réciproque. « Laissez-nous vivre ensemble et mourir au même instant, car nous nous sommes toujours aimés. » « Qu'il en soit ainsi, » répliqua l'étranger avec une bonté majestueuse. « À présent, regardez votre chaumière. » Quel changement s'était opéré, et quelle fut leur surprise à la vue d'un beau palais de marbre blanc orné d'un large portique, au lieu même où s'élevait leur pauvre cabane. « Voilà dorénavant votre séjour, » ajouta-t-il en fixant sur eux un regard paternel. « Exercez-y l'hospitalité comme vous l'avez fait envers nous hier soir dans votre humble chaumière. » Les deux bons vieillards tombèrent à genoux pour lui exprimer leur reconnaissance, mais leur bienfaiteur et Vif-Argent avaient disparu. À partir de ce jour, Philémon et Baucis habitèrent ce beau palais de marbre, jouissant en paix d'une satisfaction bien vive, quand il leur arrivait d'y offrir un abri à ceux qui passaient de ce côté. La cruche au lait, je ne dois pas oublier de le dire, conserva le don de ne jamais rester vide. Toutes les fois qu'un hôte au cœur généreux et loyal se versait une tasse de son contenu, il proclamait invariablement qu'il n'avait jamais approché de ses lèvres une boisson aussi douce et aussi fortifiante. Mais si, au contraire, c'était un avare égoïste et bourru qui voulut y goûter, il ne manquait pas de faire une grimace abominable en accusant le vase de contenir du lait aigre et tourné. Philémon et Baucis, déjà centenaires, vécurent bien longtemps encore dans ce magnifique palais. Leur vieillesse se prolongea d'année en année. À la fin, cependant, une certaine matinée d'été, ils n'assistèrent pas au réveil des hôtes qu'ils avaient accueillis le soir précédent de leur sourire hospitalier. Au déjeuner, point de Philémon ni de Baucis, on les chercha dans toutes les parties du vaste palais, mais en vain. L'inquiétude était au comble lorsqu'on aperçut en face du portique deux arbres que personne ne se rappelait y avoir vus la veille. Leurs racines étaient profondément attachées à la terre et leur feuillage immense ombrageait la façade de l'édifice. L'un était un chêne et l'autre un tilleul. Leurs rameaux étaient entrelacés et s'étreignaient de telle façon que chaque arbre semblait vivre de la sève de l'autre, beaucoup plus que de la sienne. Les hôtes s'émerveillaient devant cette végétation extraordinaire qui devait avoir exigé au moins un siècle pour arriver à une pareille croissance. Ils se demandaient comment un chêne et un tilleul avaient pu, dans une seule nuit, atteindre de telles proportions. Pendant qu'ils se livraient à ces réflexions, la brise vint ébranler d'un léger souffle leur feuillage enlacé et l'on entendit dans l'air un murmure sourd et profond, comme la voix des deux arbres mystérieux. « Je suis Philémon, » frémissait le zéphyr dans les feuilles du vieux chêne. « Je suis Baucis, » répétait doucement le tilleul. Le vent grandissant de plus en plus, les deux arbres murmurèrent à la fois les noms de Philémon et Baucis. On eût dit que tous les deux n'étaient plus qu'un, et que chacun était deux, et qu'ils causaient ensemble de la profondeur de leur amour mutuel. Il était évident que le couple centenaire avait renouvelé sa vie et avait encore à jouir de quelques siècles de paix et de bonheur sous la forme d'un chêne et d'un tilleul. Quelle ombre hospitalière ils étendaient autour d'eux! Toutes les fois qu'un passant se reposait sous leurs branches, un doux bruissement au-dessus de sa tête se traduisait par ces mots « Sois le bienvenu, cher étranger, le bienvenu en ces lieux. » Plus tard, une âme généreuse, parfaitement au courant de ce qui aurait su plaire à Philémon et à Baucis, construisit autour de leur double tronc un banc circulaire où venait s'asseoir le voyageur fatigué qui étanchait sa soif à la cruche miraculeuse. Que n'avons-nous à notre tour et maintenant même cette source divine à notre disposition? Combien tenait la cruche? Demanda Jolibois. Environ 2 pintes, répondit l'écolier. Mais tu en aurais tiré plus d'un tonneau si tu avais voulu, puisqu'elle ne tarissait jamais, même au cœur de l'été. On ne pourrait pas en dire autant de ce petit ruisseau qui serpente là-bas en murmurant sur les cailloux. Et aujourd'hui, qu'est-elle devenue? Demanda encore l'enfant. Elle a été brisée il y a à peu près 25 000 ans. On l'a raccommodée aussi parfaitement que possible, mais, quoiqu'elle pût garder assez bien le lait, elle perdit désormais la faculté de se remplir d'elle-même, et depuis lors, elle ne fut pas meilleure qu'aucune autre cruche de terre fêlée. « Quel dommage !» s'écrièrent les enfants tous à la fois. Le respectable chien Ben avait suivi la compagnie, de même qu'un jeune Terre-Neuve, répondant au nom de Martin, parce qu'il était noir comme un ours. Ben, d'un âge plus raisonnable et d'habitude plus circonspecte, fut gracieusement requis par Eustache de rester en arrière avec les 4 plus petits enfants, afin de les préserver de tout accident. Quant à Martin, qui n'était lui-même qu'un jeune étourdi, l'écolier jugea prudent de le prendre avec lui, de peur que dans ses folies il ne culbutât les retardataires et ne les fît rouler au bas de la colline. Après avoir obtenu de Primevert, de Jolibois, de Bouton d'Or et de Fleurs des Pois, de s'asseoir bien tranquillement à l'endroit où il les avait amenés, Eustache, suivi de Primrose et des plus âgés, continua son ascension et disparut bientôt au milieu des arbres. Ici se termine la cruche miraculeuse de Nathaniel à Hawthorne.